Donc, on va reprendre maintenant avec une période de questions. Ici, il semble avoir un point très crucial, a été reposé par plusieurs personnes. C'est la question de conflit, le conflit qui s'autogénère. Plus on essaie de s'en débarrasser, plus ça revient. C'est le bon vieux principe du cercle vicieux. Daniel, comment qu'on en sort de ce cercle vicieux? Faudrait bien comprendre, premièrement, de quel cercle vicieux on parle. On parle d'un conflit. C'est évident qu'un conflit est toujours généré par un heurte causé par des concepts, un conflit interne, un conflit psychologique. Alors, ce qui fait que l'imagination peut amener une forme de réalité qui n'est pas irréelle, donc qui est illusion, et cette forme illusion-là, étant prise comme une chose réelle par l'individu qui le vit, on parle par exemple de schizophrène, paranoïa, et donc ils le vivent réellement, ces choses-là vont se heurter à l'idée préconçue que l'individu se fait de ce genre d'événement-là. Alors, ce qui fait que si l'individu a comme concept qu'il doit être aimé par tout le monde et qu'à par contre, à l'intérieur de lui, la prise de connaissance qu'il a avec sa réalité, une réalité qui est étrinquée propre, l'imagination va lui amener le feeling, va lui amener la perception que tout le monde le déteste. Alors, ce qui fait que si l'individu a comme concept que c'est normal que tout le monde le déteste, ben, s'il vit ça, il y a aucun conflit qui va durer et qui va naître à l'intérieur de lui. Mais l'individu croit à la réalité de son imagination. L'individu y croit dur comme fer, comme nous, on croit à la réalité de nos perceptions extérieures qui sont de toute façon illusoire, les deux aussi, mais un est plus pratique que l'autre. Alors, l'individu qui croit à ses perceptions imaginatives, à ses perceptions astrales, va automatiquement entrer en conflit avec le concept qu'il a de ce que devrait être cette perception-là, donc de ce que devrait être la réalité, et automatiquement, il y a un conflit qui naît. L'individu se sent malheureux parce qu'il perçoit que tout le monde le déteste quand il croit que tout le monde devrait l'aimer. Alors, il ne perçoit pas une réalité extérieure, il perçoit une réalité intérieure qui est la réalité imaginative, puis l'individu souffre. Mais après ça, c'est que l'idée de le cercle vicieux, je crois, était posée par rapport que son imagination va être stimulée et restimulée continuellement par cette même imagination-là, et il n'en sort pas. De Non, plus, il va. l'individu ne peut pas en sortir. L'individu peut en sortir de deux façons. Premièrement, par des médicaments. Médicaments, évidemment, prescrits par un médecin. Ça l'endort. Ça va perturber la fonction biologique. Ça va perturber la fonction qu'a son cerveau de capter l'imagination astrale. Perturbant ça, l'imagination astrale disparaît. Et pendant le réveil de ces perceptions-là, si une personne, donc extérieure, peut lui parler, peut lui suggérer une nouvelle réalité, ben, l'individu a des chances, pendant un laps de temps, de quitter la réalité imaginative intérieure pour accepter la réalité que le psychiatre ou que la personne extérieure va lui apporter. Puis lentement, par un schéma d'éducation, la personne peut finir par s'en sortir. C'est une facette. La deuxième facette, évidemment, c'est une chose qui va se faire de plus en plus. Certaines choses, à un moment donné, je vous ferai une démonstration. Mais on peut, par la connaissance de la forme astrale, donc par la connaissance de ce qui suscite l'imagination, par ces connaissances-là, libérer instantanément un individu qui souffre de ça. Mais autonomement, la personne qui se met là, dans les gens ordinaires, là, qui se met toujours dans des petits cercles vicieux comme ça, là, qui se mettent à ruminer, parvenir, puis disons qu'on a, je sais pas si c'est d'instinct, mais on finit toujours par en sortir à un moment donné où on oublie, où notre attention Oui, est c'est tournée parce que vers c'est autre pas devenu, chose. c'est pas rendu encore un état pathologique. C'est un état qui, quand je dis pathologique, donc qui nécessite un traitement par la médecine, c'est-à-dire un état qui rend l'être infonctionnel dans la société. Alors, si on parle des individus que l'on qualifie de normaux, donc qui sont assujettis à la normalité, qui ressemblent à la masse, alors une personne normale doit donc, elle a la possibilité, parce que de temps en temps, elle est laissée libre par l'imagination astrale, elle a donc la possibilité d'apprendre intellectuellement quels sont les mécanismes qui sous-tendent les fonctions astrales, les fonctions imaginatives de l'astral. Et la personne, en comprenant et en apprenant ces mécanismes-là, peut assez facilement réussir à s'en libérer. Alors, Ça ne demande pas de contrôle du mental, c'est-à-dire ça ne demande pas de concentration. Ça demande simplement l'apprentissage intellectuel. Quand une personne réussit à s'observer, comme j'enseigne souvent, si on peut dire, automatiquement, les mécanismes de l'imagination disparaissent en même temps que n'importe quel mécanisme qui sont sécrétés par l'astral. La personne va raisonner son imagination. Oui, lentement, la personne va finir... Non, c'est-à-dire que quand une personne raisonne l'imagination, elle essaie de contrôler son imagination. Elle va raisonner l'imagination, c'est un moyen de s'en sortir, sauf que c'est un moyen qui demande un épuisement d'énergie, c'est un moyen qui demande énormément d'énergie parce que la personne doit lutter continuellement contre la forme imaginative astrale pour l'enterrer avec une forme imaginative intellectuelle, ce qu'on appelle raisonner son imagination. Mais à l'instant même où tu arrêtes de raisonner, l'imagination astrale reprend le dessus. Si tu as une hallucination, bien automatiquement, si tu raisonnes l'hallucination, tu brûles de l'énergie d'une façon inutile parce que non seulement tu as déjà un conflit, l'hallucination qui va à l'encontre d'un de tes concepts ou qui suscite des peurs. Et toi, tu calcules que tu ne devrais pas avoir de peur. C'est pas plaisant pour ta vie. Donc, ça va de toute façon à l'encontre de certains de tes concepts. Toi, tu décides de raisonner l'hallucination. Donc, tu vas créer un deuxième conflit, la lutte entre l'imagination intellectuelle et l'imagination astrale. Alors, il faut pas raisonner. À un moment donné, tu vas comprendre les mécanismes et comprenant les mécanismes en les observant, parce que une fois que tu les as compris, tu peux plus facilement l'observer. L'imagination astrale va devenir banale, c'est-à-dire que l'importance que tu lui attachais, la valeur que tu lui donnais, va lentement s'atténuer. Et en s'atténuant, automatiquement, l'emprise qu'a l'imagination astrale sur toi-même disparaît. Alors, c'est pas un raisonnement, c'est une compréhension. Puis dans la compréhension existe la libération, pas dans la lutte. Une autre question. Textuellement, quelle est la raison d'être de l'imagination chez l'homme? Comment s'en servir à notre avantage? Bon, la raison d'être de l'imagination, c'est un processus qui permet aux énergies astrales de prendre contact avec d'autres formes d'énergie astrale et de s'amplifier continuellement. L'énergie astrale, c'est-à-dire que la forme astrale, qui est un conflit inhérent à l'homme, c'est un conflit perturbateur, et la forme astrale a besoin, elle recherche continuellement l'amplification de son processus, l'amplification de ses mémoires. Alors, ce qui fait que l'imagination a comme utilité, premièrement, au niveau astral, elle a comme utilité d'engendrer de plus en plus d'astral, de créer et surtout de permettre à l'astral de s'exprimer. Et l'astral existe, vit seulement par son expression. Maintenant, l'imagination, on peut s'en servir comment? On peut s'en servir quand la forme mentale de l'être humain s'empare de ce mécanisme-là qui a été bâti par l'astral et commence à s'en servir pour permettre à l'énergie créatrice de pouvoir être exprimée dans le domaine de la matière ou sur la Terre. Ce qui fait que l'intellect, le corps mental de l'homme, peut se servir de l'imagination pour en fabriquer un canal dans lequel va pouvoir s'écouler l'énergie créatrice temporairement, parce que l'énergie créatrice, à un moment donné, n'aura pas besoin du canal de l'imagination. Elle va couler directement dans l'homme qui lui-même va devenir un canal et sans imaginer, l'homme va créer. Mais temporairement, l'utilité qu'a l'imagination, c'est ça, c'est que l'intellect peut en faire un canal et dans lequel l'énergie créatrice va pouvoir s'écouler. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'on va appeler l'intuition? Non. L'intuition n'est pas une forme d'imagination. L'intuition, c'est une forme de savoir. Un savoir qui est vivant, qui est réel, qui est immédiat, qui est instantané. Par contre, l'astral, la mémoire de l'homme, va s'emparer de cette connaissance instantanée, intuitive, pour en faire une mémoire, pour en faire une expérience. Et ça se fait à une vitesse qui est intemporelle. Ce qui fait qu'instantanément, l'astral peut commencer à imaginer à partir de cette nouvelle connaissance qui est l'intuition. Alors, si la personne n'a pas le discernement, l'intuition va se transformer en imagination. Donc, va être complètement teintée, complètement déformée, complètement défaite par l'imagination. Le discernement, c'est simplement une barrière. Il y a une autre forme d'énergie qu'on peut appeler ajusteur de pensée qui va lentement s'élaborer à l'intérieur de l'homme, qui va justement permettre la distinction entre l'intuition et l'imagination. L'imagination qui est utilisée par les énergies de plus en plus hautes va tendre à respecter l'intuition. Ça veut dire que l'imagination, à un moment donné, va complètement disparaître en même temps que va disparaître la mémoire de l'homme et son astral et sa psychologie. L'émotivité de l'homme, présentement, a son utilité, c'est-à-dire que c'est l'astral de l'homme qui permet justement à l'homme d'avoir accès à différentes formes d'énergie de plus en plus hautes, de par le raffinement même de l'astral. Mais l'astral, évidemment, il n'y tient pas et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir empêcher ça, pour pouvoir aberrer l'homme. Mais quand l'intellect va avoir réussi à faire de l'imagination le canal pour permettre à l'énergie créatrice de s'exprimer, l'énergie engendrée par le passage de cette énergie créatrice-là va lentement détruire l'imagination en tant que canal et il va se servir de l'homme au complet en tant que canal. Et détruire la mémoire. Le canal qui va être engendré par l'énergie créatrice va être d'une nouvelle forme, d'une nouvelle constitution énergétique. Il y aura une puissance de résistance assez solide pour permettre à des énergies dites supramentales de pouvoir s'écouler librement à travers l'homme. Ça va détruire le mécanisme mémoriel et le mécanisme psychologique de l'homme. Autrement dit, l'homme, au lieu de vivre à partir de sa mémoire expérimentale, expérientielle, l'homme va vivre à partir d'un savoir qui va être instantané, qui va être immédiat et qui va être adéquat par rapport à la réalité réelle que l'homme va vivre. L'homme ne vivra plus dans une mémoire psychologique temporelle, limitée et finie. L'homme va avoir accès à une vie différente, une vie intemporelle, une vie impersonnelle, une vie illimitée. Et l'homme va avoir accès justement à des connaissances qui vont être instantanées, qui vont être adaptées à l'état même de l'individu dans un domaine qui va être plus vivant, plus réel, mais qui ne laissera pas de traces d'expérience à l'intérieur de l'homme. Autrement dit, l'homme ne sera plus bouleversé par des perceptions qu'il a de la réalité. L'homme va vivre la réalité, l'homme va être la réalité, sans que cette réalité-là vienne laisser de traces. Donc, l'homme n'aura plus de mémoire. Mais ces connaissances-là, comment une connaissance peut exister sans qu'elle soit mémorielle? Vois-tu, la réalité est une chose qui n'est pas mémorielle. La réalité est une chose qui est réelle. La perception que nous, on a, nous, on ne fait que percevoir la réalité. On ne vit pas à partir de cette réalité-là, malgré qu'on est réel. La perception qu'on a de la réalité, si on la définit biologiquement, c'est une perception qui prend un temps. C'est-à-dire que tout ce que tu perçois est transformé en stimuli nerveux, en stimuli électriques, et le temps que prend ce stimuli-là, sous cette forme-là, une forme de façon absolument déformée, le temps qu'il prend pour arriver au cerveau fait qu'il y a déjà un décalage entre un événement qui a été réel et la perception que toi tu en as, en plus d'être complètement déformé, parce que ce que tu perçois toi, c'est simplement des ondes électriques et non pas la réalité même. Ce que tu perçois de la couleur jaune n'a aucun rapport avec la couleur jaune. Quand tu touches quelque chose avec ta main, ce que tu perçois, c'est simplement l'électricité amenée à ton cerveau par la perception qu'a ta peau. Mais de la table, tu connais rien. D'une feuille, tu ne connais rien. Tu n'es pas en contact avec la réalité, tu es en contact seulement avec des perceptions de la réalité, donc avec des interprétations de la réalité. Le savoir lui-même n'est pas mémoriel pour la simple raison que dans ta mémoire n'est enregistré que des parcelles de la réalité. Une chose qui est intemporelle ne peut pas être mémorielle. Et le savoir, la réalité même, est une chose qui est vivante. Une chose qui est vivante, c'est une chose qui n'est pas mémorielle, parce que dans la mémoire, il n'y a que le souvenir de choses vivantes, donc il n'y a que des choses mortes. Des choses figées. Alors, les choses sont pas tout à fait figées, parce que l'imagination, justement, engendre un nouveau mouvement à l'intérieur de ça, un mouvement réel, un mouvement vivant, mais ce mouvement vivant ne brasse que des choses mortes. Une simili-vie. Oui, c'est une vie factice, une vie trompeuse. C'est même parfois une vie d'emprunt, c'est-à-dire qu'on s'imagine être quelque chose d'autre. Habituellement, l'homme vit de toute façon toujours à partir de quelque chose qui a été créé par la réalité de son expérience, mais qui n'est pas réel, qui n'est qu'expérience, justement. On pourrait dire comme un film. Un film, c'est pas vivant. Non. On s'imagine croire, on a une perception de la réalité qui est fictive. On y attache une importance étant donné que présentement l'homme est convaincu, et ça c'est un des mécanismes de l'imagination. L'imagination a aussi pour objet de convaincre l'intellect, de lui faire croire et de susciter la foi. L'homme est convaincu que sa perception est réelle. Si on regarde simplement la perception qu'a l'homme du ciel, on parle encore scientifiquement, l'homme regarde des étoiles, Et l'homme qui trouve que le ciel est immuable, tous les soirs quand l'homme se lève, les étoiles sont à la même place, et puis c'est immuable. Les marins et les aviateurs se sont servis longtemps justement de la position des astres par rapport à l'horizon de la planète pour pouvoir déterminer leur position sur la planète Terre. Alors on se fie au ciel. Mais si on sait que la vitesse de la lumière voyage approximativement 300 000 km à la seconde, ce qui veut dire qu'une planète qui est située à une année-lumière émet une lumière, et la lumière prend un an à la vitesse de 300 000 km à la seconde pour arriver aux yeux de l'observateur terrien. Ce qui fait que la lumière ayant été émise v'là un an est perçue par l'homme. Le soleil, sa lumière prend quelques 7 minutes à parvenir à la Terre. Alors, si on comprend bien le processus, les étoiles qui sont placées à 1 million d'années-lumière ont émise la lumière que l'on perçoit aujourd'hui v'là 1 million d'années. Alors, que reste-t-il de ces planètes? Une planète qui existe émet sa lumière. À un moment donné, elle explose et disparaît complètement. Mais 1 million d'années-lumière plus loin se trouve la Terre, et pendant 1 million d'années après la disparition de la planète, l'œil humain va continuer à voir disparition de l'étoile. L'œil humain va continuer à voir la lumière émise par l'étoile. Ce qui fait que le ciel que l'on contemple aujourd'hui est peut-être un ciel qui existait à l'époque de Jésus-Christ, mais que les personnes vivant à l'époque de Jésus-Christ n'ont jamais vu. Les planètes et les étoiles, surtout les étoiles que l'on perçoit présentement, ne sont sans doute pas tous existantes, malgré que l'illusion du ciel nous permet de croire qu'elles existent. Si le soleil explose, 7 minutes après son explosion, on va le savoir parce que ça prend 7 minutes à la lumière pour se rendre jusqu'à nous. Alors, ce qui fait qu'en termes d'illusion réelle, on peut simplement regarder le ciel le soir, et la photo du ciel que l'on voit est une photo qui n'existe plus depuis très, très, très, très longtemps. Cette photo existe, mais ce n'est pas la photo des étoiles, c'est la photo de la lumière que l'on reçoit des étoiles. C'est une irréalité en termes de perception, c'est-à-dire que nous, on s'imagine voir les étoiles quand en réalité, on ne voit que la lumière d'une étoile qui existe peut-être, qui n'existe peut-être plus. Mais on est bien convaincu que l'étoile existe. Alors, quand je parle, moi, de la perception qu'a le corps de l'extérieur, ça prend un certain temps. C'est évident que la lumière émise par une lampe que tu allumes voyage à 300 000 km à la seconde. Si tu éteins la lumière, tu as l'impression qu'instantanément, partout, la lumière disparaît. Mais c'est pas une réalité. C'est simplement à cause de la courte distance qu'il peut y avoir dans une pièce. Mais si tu regardes la lumière émise par Alpha du Centaure, qui est à 1,4 années-lumière, donc qui prend une année 4 dixièmes pour se rendre jusqu'à l'œil humain, bien évidemment, là, si l'étoile disparaît, tu vas voir pendant 1,4 ans encore cette étoile-là, et après 1,4 ans après sa disparition, tu vas la voir exploser dedans ton télescope. Alors, si tu prends la perception humaine de l'extérieur, c'est une perception qui est trompeuse, mais on ne s'en rend pas compte à cause de la courte distance qui existe à l'intérieur même des membres de l'homme. Mais ça n'empêche pas que l'illusion est parfaite. On a l'impression, nous, de voir quelque chose avec nos yeux, mais en réalité, on voit quelque chose qui n'est pas une réalité, qui est une mémoire de cette réalité-là. Quel est le moyen de voir cette réalité? Puisque nos sens sont tout à fait inutiles, la façon dont on les décrit, ni notre toucher, ni notre goût, ni notre odorat, ni notre vision. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas inutiles, ils sont trompeurs. Et quand on apprend que le sens est trompeur et qu'on apprend de quelle façon il trompe, automatiquement, on peut commencer à s'en servir. Parce que l'important est de prendre conscience de l'illusion de ce que nous, on appelle la réalité, de l'illusion de la matière. Le fait de savoir que le ciel que l'on observe est irréel, c'est une chose qui nous permet justement de comprendre à un moment donné que nos perceptions sont fictives. Mais ça ne nous empêche pas de servir du ciel pour diriger nos navires. Alors, ce qui fait que la perception qu'on a de l'extérieur n'est pas nécessairement nuisible. Elle a aidé à grossir, à nourrir notre astral, notre psychologie et à bâtir notre intellect. Il n'y a pas de moyen de se défaire de tout ça. On n'a pas à s'en défaire. On va s'en défaire à un moment donné, mais ce ne sera pas parce que l'homme va l'avoir voulu. L'homme qui veut s'en défaire fait simplement nourrir encore sa psychologie astrale. Alors, ce qui va arriver à un moment donné, c'est ça. C'est que par l'intermédiaire de différents canaux, il y a différentes énergies qui sont de mental de beaucoup plus supérieur à notre intellect, qui vont finir par balayer ces choses-là. En attendant, on a besoin de ces choses-là, mais il ne faut pas y attacher une importance. Il ne faut pas penser que c'est la réalité. Alors, ce qui fait que si je sais, moi, que l'extérieur n'est pas une réalité, si ma maison brûle, ça ne laisse pas de traces en moi, malgré que je sois humain et que j'ai toujours une psychologie. Et si j'ai une hallucination de quelque chose et que j'y attache pas plus d'importance que quand j'ai vu ma maison brûler, ben, automatiquement, l'hallucination n'a pas plus d'emprise. Je ne suis plus manipulé par des formes qui sont aberrantes, par des formes astrales. À ce moment-là, on ne donne pas crédit à la mémoire? Non, la mémoire, il ne faut pas y donner crédit. On peut s'en servir, on peut jouer avec, comme l'extérieur, comme tout ce qu'on on perçoit, on peut pas y donner crédit non plus. Par contre, si on est intelligent, on peut s'en servir. Si c'est bien compris. Toujours. C'est quand c'est pas compris qu'on a des conflits. On parle de schizophrène, on parle de paranoïa, on parle de névrosé, on parle de différentes maladies psychosomatiques, on parle aussi de trips religieux, de trips extraterrestres. C'est simplement parce que la perception extérieure mélangeait la perception intérieure suscitée par l'imagination, suscitée par l'astral, donc par la psychologie de l'homme, viennent prendre la place de ce que pourrait être la réalité. Et nous, on accrédite d'une façon absolument inconditionnelle ces perceptions intérieures et extérieures. Et c'est notre vie. Mais tout ça, c'est une foutaise. Tout ça, ce n'est qu'un paquet d'illusions. Daniel, tu as parlé un peu tantôt du processus par lequel la mémoire disparaîtrait un jour. Parce qu'il semblerait que la mémoire n'a pas de limite à sa fin. Et un peu comme la fable de La Fontaine, le bœuf et la grenouille, la mémoire va enfler sans fin. Mais il semblerait qu'il va y avoir une limite. Peux-tu encore en parler? Ah ben oui, la grenouille a explosé justement dans la fable de La Fontaine. Alors vois-tu, c'est que la mémoire, en s'amplifiant continuellement, donne une énergie extraordinaire à la partie mentale de la constitution humaine. Et la partie mentale, veut pas, à un moment donné, va être assez constituée pour pouvoir se servir d'une façon intelligente, donc pour pouvoir prendre le dessus sur l'intelligence astrale, qui est extrêmement mineure. Alors, l'intelligence mentale va prendre le dessus sur la psychologie émotive de l'homme, et automatiquement, grâce à l'amplitude qu'a eu l'astral va se faire avoir. Et puis, c'est l'intellect, l'intelligence passive de l'homme qui va prendre le dessus, temporairement, évidemment, en attendant que la phase mutatoire se fasse complètement et que l'intelligence supramentale vienne prendre le dessus sur l'homme. Donc, on pourrait dire que plus l'astral va grandir, se gonfler de mémoire, l'intellect va devenir plus puissant. Donc, le réfléchi va surpasser l'irréfléchi. Oui, à la condition seulement que l'astral grossisse de par l'interprétation qu'a l'intellect sur l'extérieur et non plus de par l'interprétation qu'a la psychologie sur l'extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que l'astral va gonfler, va grossir d'une façon plus intelligente quand les expériences et les traces qui va être gravées en elle vont être créées par la partie mentale de l'homme. Autrement dit, au lieu d'avoir peur parce qu'un chien approche de toi, tu vas non pas laisser une trace de peur en toi pour aller creuser encore plus le sillon de la peur des chiens que tu avais, mais tu vas interpréter intelligemment, je veux dire par là intellect avec l'intellect, donc d'une façon intellectuelle, l'événement, et tu vas laisser une nouvelle trace dans ta mémoire, tu vas laisser une trace d'un chien que tu as perçu sans ta psychologie, sans ton émotion, un chien qui était peut-être plus beau que tu l'avais jamais vu, un chien qui n'a pas été dangereux en fin de compte, etc., etc. Alors, ce qui fait que quand l'intellect va commencer à avoir la permission, si on peut dire, d'interpréter l'extérieur, au lieu que ce soit justement l'astral psychologique de l'homme, ben la mémoire astrale va continuer à gonfler, mais d'une façon plus intelligente, et l'expérience va, comme les autres expériences, servir de plus en plus à la constitution d'un corps mental de plus en plus puissant. Pourquoi, Daniel, cet intellect a besoin de tant de bagages pour pouvoir être fonctionnel sur son astral inférieur? L'intellect n'a pas besoin d'immensément de bagages. L'intellect a besoin simplement de la possibilité laissée par l'astral, par la psychologie. La psychologie de l'homme a peur. Et l'intellect peut le rassurer. Mais l'intellect ne peut pas rien faire tant que la psychologie de l'homme ne lui laisse pas la porte ouverte. Et quand la psychologie de l'homme va lui laisser la porte ouverte, l'intellect, aussi mineur soit-il, va être capable de prendre la relève. Mais pour laisser la porte ouverte, la psychologie doit être convaincue. De là l'importance de toute l'information intelligente, d'une façon intellectuelle, qui doit être amenée à la psychologie, à l'astral, pour finir par se laisser convaincre de laisser la porte ouverte à l'intellect. Ce sera donc la qualité des expériences plutôt que la quantité qui va faire la Exactement. Très important, c'est la qualité et non pas la quantité. Mais là, ça nous amène rapidement à une autre question. Quelle est la qualité d'une mémoire? Parce que ça voudrait dire qu'il y a des mémoires qui sont bonnes et d'autres moins bonnes. C'est-à-dire que les expériences amenées par l'intellect, effectivement, qui peuvent être bonnes, Toute expérience amenée par l'intellect pur, donc par l'intelligence passive, sans qu'elle soit teintée par la psychologie ou l'astral de l'homme, est une expérience d'une qualité parfaite pour permettre à l'individu de laisser, pour permettre à l'astral de l'individu de grossir, pour finir par un moment donné être assuré. La psychologie humaine a foncièrement peur. La simple raison que l'expérience ne fonctionne que dans un monde mort. Toi, tu as une conception mémorielle de l'extérieur et tu ne peux jamais réussir à régler un problème neuf, complètement neuf et vivant. Alors, de ce fait, la psychologie, parce qu'elle sait, l'astral lui-même sait très bien qu'il ne peut pas vivre dans un monde vivant, dans un monde neuf, a donc continuellement besoin de nouvelles expériences pour pouvoir lui donner de plus en plus de bagages, pour le rassurer et lui faire croire qu'il peut maintenant vivre dans un monde plus ou moins neuf. De toute façon, la psychologie de l'homme a créé ainsi un monde qui va à l'encontre de l'évolution, un monde justement où le neuf est de moins en moins ou de plus en plus écrasé, pour la simple raison que la psychologie a moins peur dans un monde normal. C'est-à-dire que toi, tu as tes habitudes, tu t'habitues à ton chez-toi, tu as ton travail, tu as peur de changer de travail. La société qui a été construite par l'astral de l'homme et même par l'astral, par les vestiges de l'astral de la planète, est une société anti-évolution ou anti-changement, une société morte dans ce sens-là. Pro-mémoire. Oui. Alors, ce qui fait que si toi, tu as déjà de par ta psychologie une crainte de ce qui est neuf, de ce qui est vivant, tu vas donc avoir une tentative d'essai d'empêcher justement le monde de changer autour de toi. Alors, si tu regardes ta psychologie, ton astral, qui lentement justement vont créer un intellect, tu vas finir par pouvoir savoir que plus tu vas avoir un intellect grand, et c'est d'ailleurs pourquoi l'astral a laissé l'intellect grandir de cette façon-là, plus tu vas avoir une possibilité mentale grande et une possibilité mentale assez raffinée pour pouvoir de plus en plus interpréter d'une façon rapide et radicale les événements extérieurs et avoir un corps mental qui va être capable de se servir des expériences mémorielles pour pouvoir de plus en plus rapidement et efficacement solutionner les problèmes extérieurs, eh bien, toi, tu te sens rassuré. La psychologie humaine se sent rassurée, donc l'astral de l'homme se sent rassuré. C'est pourquoi que si tu amènes des preuves, si l'intellect amène des preuves à la psychologie, donc à l'astral, de son efficacité, alors à la longue, l'astral qui a toujours peur va finir par s'en remettre complètement à l'intellect. Et quand ce temps-là sera venu, on pourra dire que l'astral vient de se faire avoir et ce sera la fin de la psychologie humaine. Comme on la connaît. Évidemment. Est-ce que ça va donner place à un autre genre de psychologie? Bon, faut faire attention avec le mot psychologie, mais étant donné que l'homme aura plus de mémoire quelques temps après, que l'homme aura plus d'émotions comme on les connaît, l'émotion polarisée, l'émotion polaritaire, alors la psychologie va devenir une psychologie intelligente. Et si on peut garder le terme psychologie, quoique c'est un terme dangereux, mais l'homme va être manipulé. Toujours l'homme intellectuel va être manipulé, non plus par la forme mémorielle de ses expériences, mais par la forme réelle, existentielle. Énergétique? Bon, c'est toutes des formes énergétiques de toute façon. Mais l'homme va être manipulé par une forme, quand je dis l'homme, c'est évidemment seulement l'intellect de l'homme, qui va être manipulé par une forme, on pourrait dire divine, ou éclairée, ou lumineuse, ou supramentale, ou n'importe quoi qui peut faire plaisir présentement à notre psychologie. Mais c'est rassurant, évidemment, de dire ça à notre psychologie, qu'un jour, on va être manipulé d'une façon plus adéquate. Sauf que, évidemment, pour accepter ça, l'astral doit disparaître. Évidemment. Mais ça laisse quand même une place à une autre manipulation, c'est-à-dire penser simplement que ça va arriver. Oui, d'accord. Mais la manipulation comme telle, c'est pas un phénomène qui est très, très, très dangereux. Tout dépend par qui on est manipulé. Alors évidemment, présentement, étant manipulé par nos émotions d'une façon inintelligente et inadéquate, l'émotion ne peut pas s'adapter à une forme extérieure, réelle. L'émotion ne fait que s'adapter à la perception et l'émotion ne fait que réagir. Alors, si tu vois quelque chose qui est plaisant, tu vas réagir en fonction de la perception et en fonction de la mémoire que tu as de ces... Alors, de toute façon, c'est évident qu'à un moment donné, l'homme va finir par se libérer totalement de l'emprise colastrale sur son intellect. Ça, c'est sûr. C'est immanquable. Moi, ça me donne envie de poser une question. Quelle est la différence, en fait, entre deux individus, un qui en est rendu à avoir un intellect qui prend de plus en plus de place dans sa façon de vivre, de raisonner, de l'emprise de sa vie, et l'autre qui est comme noyé dans son flot d'astralité émotive. On parlait de la qualité des expériences, mais qu'est-ce qui fait qu'un a eu des expériences de qualité et l'autre des expériences émotives, manipulatrices, mémorielles? Bon, la différence, évidemment, c'est que les deux vont imaginer, mais l'un d'une façon intelligente, l'autre d'une façon psychologique. Et dans le domaine de la matière, l'individu qui est de plus en plus intelligent d'une façon intellectuelle pour l'instant, l'individu qui imagine de par le contrôle de son intellect, va avoir un résultat beaucoup plus évident, va avoir une efficacité de plus en plus évidente et grandissante dans le domaine de la matière, comparativement à l'individu qui est manipulé par simplement l'imagination astral sans avoir passé par son intellect pour pouvoir faire quelques discernements. Alors, ce qui fait que l'individu qui est astral, l'individu qui a l'imagination assujettie à sa psychologie, à son émotivité, cet individu-là ne va vibrer, va, comme on dit, triper continuellement, va toujours être en crise, une crise d'immense joie ou d'immense pleurs, va toujours être à la recherche de quelque chose de nouveau, pour pouvoir toujours faire ressusciter certaines expériences mémorielles qu'il a en lui. Alors évidemment, cet individu-là ne peut pas arriver à une efficacité extrême de par lui-même dans le domaine de la matière. Je suis d'accord, mais ce n'était pas tout à fait le sens de ma question, Daniel. C'est qu'est-ce qui fait que ces individus sont dans un temps X différent et non pas l'effet de leur vie, comment leur vie fonctionne. Comment ça se fait qu'il y en a un qui est rendu comme ça puis que l'autre il n'est pas encore comme ça? Tout dépend simplement de la vie, de l'expérience qu'a vécu l'individu à l'intérieur de cette vie-ci et à l'intérieur de, ou encore la possibilité qu'il a d'aller chercher des expériences génétiques, des expériences mémorielles, des expériences réincarnatives. Alors, tout dépend simplement de la qualité, premièrement, du physique de l'individu. Quand je parle du physique, je ne parle pas de sa musculature, je parle plutôt de son schéma de neurones. Alors, tout dépend, évidemment, de la qualité de son cerveau et de la... parce que c'est quand même le cerveau qui est le lien entre l'intellect et les phénomènes astraux. C'est de toute façon pour ça qu'en prenant certaines drogues, à un moment donné, tu vas aller fouiller dans des sphères astrales différentes ou inconnues de toi. C'est un mécanisme qui, sur le moment, paraît extraordinaire, mais qui, à la longue, détruit justement l'élément cérébral qui est le lien entre la psychologie astrale et l'intellect et l'extérieur. Alors, c'est évident qu'en prenant des drogues, ça nous amène temporairement à des découvertes qui vont nous amener de toute façon à une obscurité totale à un moment donné. Alors, ton individu est assujetti à sa psychologie, et puis lui, selon son expérience, donc selon la possibilité qu'a premièrement sa partie cérébrale de pouvoir analyser, de pouvoir entrer en communication avec ses sphères astrales, ses sphères mémorielles, amène une différenciation très importante en ce qui concerne la qualité du corps mental. Et évidemment, un corps mental qui est extrêmement bien développé, s'il n'a pas l'élément physique cérébral adéquat, ne pourra pas non plus permettre à l'individu une extension de son astral dans un sens constructif ou dans un sens libérateur. Alors, ce qui fait que suite à un accident, par exemple, si tu as un traumatisme cérébral, ben, tu auras beau être le gars le plus intellectuel du monde, tu vas ressembler à celui qui sera le moins. Alors, évidemment, l'élément physique est très, très, très, très, très important. C'est pourquoi qu'il faut justement entretenir d'une façon intelligente, intellectuelle et non pas psychologique, notre corps physique. La personne, justement, qui entretient son corps physique d'une façon psychologique, va se teindre les cheveux, va se prendre le visage pour un tableau de peinture. Elle va manger n'importe quoi, à n'importe quelle heure, elle va faire n'importe quel genre d'exercice où elle va prendre des drogues, elle va prendre, un peu trop de boissons. Bref, elle ne fait que nourrir la stimulation sensorielle qui plaît à sa psychologie. Elle ne nourrit pas son corps. Et la personne qui est intelligente d'une façon intellectuelle pour l'instant va évidemment penser Mais il ne faut pas non plus qu'elle tombe dans l'autre phénomène astral, l'astral plus haut, l'astral spirituel. La personne nourrit son corps d'une façon intelligente, mais il ne faut pas qu'elle tombe dans le piège de l'extrême, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne va justement souffrir de toujours devoir penser à bien manger, à ne pas boire, à ne pas faire ci, à ne pas faire ça, etc. La personne qui tombe dans ce piège astral-là, l'astral un peu plus haut, est assujetti à l'astral de la même façon que la personne qui est dans un astral plus physique. Alors, la différenciation entre un et l'autre, bien évidemment, est déterminée par l'attention portée au corps de l'individu qui est en mouvement, à l'individu qui, justement, est en recherche, en essai de devenir pour sa libération. Et puis, si son corps est en bonne santé, si son cerveau est en bonne santé, si le code génétique des parents et des arrière-parents ont réussi à former un être humain plus adéquat, comme c'est de plus en plus le cas en ce qui concerne les jeunes qui naissent, ils ont un cerveau différent du nôtre, donc une conception et une perception surtout très différentes. Alors, ce qui fait simplement, c'est pour ça qu'un individu est placé dans un schéma astral plus manipulé par son schéma qu'un autre individu. Et que, dépendant de la capacité qu'a le cerveau de pouvoir rentrer en contact avec ses mémoires astrales, l'individu va se créer une forme mentale de plus en plus élaborée et de plus en plus contrôleuse sur les mécanismes qui assujettissent, qui bâtissent sa vie. Alors, c'est plus la psychologie humaine qui va dominer, ça va être de plus en plus l'intelligence intellectuelle de l'homme qui va dominer. Alors, comme je dis souvent, le printemps, il y a des branches qui poussent, il y en a des petites, il y en a des grandes. Parce que. Bon, tu m'enlèves un peu l'essence de ma question que je voulais reposer, mais je vais y aller pareil. Mais ça laisse encore place à une forme de favoritisme, même si ton individu prend soin de son véhicule. Il y avait une intelligence en arrière de ça qui faisait que un était favorisé dans l'intelligence de prendre soin de son véhicule par rapport à l'autre qui n'était pas favorisé dans l'intelligence de prendre soin de son véhicule. Encore là, il y a un phénomène qui fait que il y en a un qui était mieux muni que l'autre. Non, aucun était mieux muni que l'autre. Tout ce qu'il y a, c'est que l'homme, évidemment, part de son plan de perception immédiat. Donc, on part du plan de perception de la vie immédiate. Et l'homme, ne comprenant pas, parce que l'homme ignore le plan de l'évolution même qui dirige sa vie et son évolution, l'homme regarde simplement un enfant qui naît et qui a été sujet à la thalidomide pendant son développement fœtal. Donc, l'enfant naît sans bras et sans jambes. Et l'homme détermine par là tout de suite qu'il y a une injustice évidente. D'ailleurs, ça a été un des phénomènes qui a amené l'individu occidental à croire de plus en plus à la réincarnation pour essayer d'équilibrer le concept de la justice divine avec la réalité injuste que l'homme pouvait percevoir. Alors, pour réussir à garder le concept de la justice divine, l'homme occidental a accrédité assez rapidement le concept de la réincarnation pour expliquer justement que Dieu étant juste, l'homme, suite à un karma et suite à des erreurs, paie ces erreurs-là d'une façon physique ou d'une façon psychologique, à la naissance par exemple, ou au cours de sa vie. Alors, mais en réalité, l'homme ne voit pas le plan même de son évolution. L'homme ne voit que la petite parcelle que l'homme appelle sa vie entre sa naissance et sa mort, quoique là encore, l'homme en oublie de gros morceaux et l'homme en imagine d'autres. Et à partir de là, l'homme ne comprend pas. L'homme devrait arrêter d'essayer de comprendre des phénomènes. L'homme devrait surtout travailler pour se comprendre lui-même et laisser faire à l'extérieur. Il est évident qu'un homme qui souffre a choisi de souffrir et qu'un homme qui souffre a accepté la souffrance. Il l'a accepté d'une façon peut-être inconsciente pour l'instant, mais de toute manière, c'est une acceptation évidente. Alors, l'individu qui ne souffre pas et qui a une vie qui est jolie est un individu qui a capté, bon, disons par hasard, mais c'est pas le cas, des énergies d'une façon plus adéquatement, et l'homme accepte de vivre heureux, comparativement à l'homme qui accepte de souffrir. Tout dans la vie est simplement un phénomène d'acceptation. Si tu crois à ta psychologie, tu acceptes ce qu'elle va t'amener. Si, par exemple, tu sais par expérience que le fait d'aimer quelqu'un t'amène toujours à souffrir, qu'une rencontre est toujours le début d'une séparation. Donc, tu sais donc très bien, au départ, que le bonheur que tu recherches, le bonheur que tu commences à découvrir, va de toute façon t'amener des souffrances qui vont venir équilibrer, énergétiquement parlant, les formes d'énergie créées par ce bonheur-là. Alors ça, tu le sais, tu l'as pu l'expérimenter souvent, tu l'as vu en film, tu l'as lu, tu l'as vécu. Mais tu refuses obstinément de voir la réalité, hein, et tu acceptes continuellement de laisser ta psychologie, de laisser ta mémoire positive, celle du bon côté du bonheur, rechercher une continuité dans l'événement que tu as vécu. Alors, si tu es divorcé, tu recherches quand même. Tu vas continuer à rechercher. Si tu te chicanes, tu continues à rechercher. L'homme dit que c'est normal et que sans ça, l'homme n'arriverait pas à vivre. Mais c'est aussi les guerres et les paix. Et quand l'homme est trop longtemps en paix, l'homme déclenche une guerre. Et quand l'homme est trop longtemps en guerre, l'homme recherche la paix. Quand tu as trop de bruit autour de toi, tu recherches la tranquillité. Mais quand la tranquillité commence à t'étouffer, tu recherches le bruit. Alors, malgré que l'homme vit continuellement ses mécanismes, l'homme sait très bien que pour abandonner la souffrance, l'homme doit abandonner le plaisir, que pour abandonner la mort, l'homme devra donc abandonner la vie, et que pour abandonner la richesse, l'homme devra abandonner la pauvreté et vice-versa. L'homme sait très bien que son monde est polarisé, que son monde est duel, et l'homme, malgré ce savoir et ses connaissances expérimentales, l'homme se refuse obstinément d'y croire parce que la psychologie de l'homme continue continuellement à rechercher une continuité dans des événements que lui appelle positifs. Alors, tu as vu quelque chose de beau, tu veux le revoir. Tu as vécu un stimuli physique extraordinaire, tu veux le revivre. Mais sachant très bien qu'en le revivant, il va y avoir une fin et qu'à cette fin, tu vas encore souffrir, tu le recherches quand même. Alors là, de là, la différenciation entre l'intelligent et la personne qui n'est qu'émotif, qui n'est qu'astral. Alors, il n'y a pas une personne qui est mieux nantie qu'une autre, il y a une personne qui comprend mieux et qui accepte des choses et qui refuse d'autres choses. Et l'observation du mécanisme d'acceptation et de refus, l'observation devient une synthèse entre justement la thèse et l'antithèse, le refus et l'acceptation, et c'est de cette synthèse-là naît la libération. Alors, il n'y a pas aucune personne qui est mieux préparée ou moins bien préparée. L'homme en a l'impression, comme l'homme a l'impression que le ciel est immuable, comme l'homme a l'impression continuellement, malgré que l'homme le sait, comme l'homme a l'impression qu'il vit et que sa vie est éternelle. Parce que l'homme a évidemment l'impression que sa vie est éternelle. Sinon, l'homme, que ferait l'homme si tu n'avais plus qu'une heure à vivre? Qu'est-ce que tu ferais? Ce serait bien différent de ce que tu fais présentement. Et pourtant, de toute façon, un jour ou l'autre, tu vas quand même disparaître. Une question qu'on vient de me donner par rapport à ce qu'on vient de dire dans la dernière minute. Monsieur Kim, sommes-nous tous égaux et la différence est-elle simplement une question de choix? Bon, premièrement... Tu vois le même genre de question, sommes-nous tous égaux? Et la différence? Donc, la personne a déjà idée que nous ne sommes pas égaux. Dans la question même. Nous sommes en essence, mais en essence, ça ne veut rien dire pour l'homme. Ça devient, c'est du cadre de la philosophie. Nous sommes en essence la même chose et nous sommes en essence une seule chose. Une seule chose ne peut faire autrement qu'être égale. Mais égal, c'est une polarité. Et c'est toujours égal comparativement à l'inégal. Alors, dans le domaine de la réalité même de l'homme, ces mots-là ne s'opposent pas. Nous sommes différents de par le choix, oui, mais c'est un choix qui a été fait pas nécessairement dans cette vie-ci, pas nécessairement dans ce concept de vie-ci. Alors, tout est lié au choix. Maintenant, pour aller un peu plus loin, pour les individus qui pourraient peut-être saisir, nous avons choisi nous-mêmes nos vies, nous avons choisi de souffrir ou de ne pas souffrir. Mais l'important, c'est que nous avons choisi à un moment donné de notre parcours. Et le fait d'avoir choisi nous a menés là où nous sommes. Alors évidemment, c'est dans le... Lorsque l'on fait un choix, on perd automatiquement la réalité de vue. Pourquoi donc ce choix? Cela servait à un plan? Non. C'était donc une erreur? Non plus. Pour l'instant, je dis non plus, mais pour l'instant, il y a des choses qu'on ne peut parler parce que l'homme n'est pas prêt à l'entendre et ça va servir simplement à l'astral de l'homme pour pouvoir le ramener à l'astral. Alors, ce qui fait que pour l'instant, disons non. Peut-être qu'à un moment donné, d'ici quelques années, on pourra revenir sur ce sujet-là. ou encore en petits groupes fermés. Bon, on pourrait... Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, peut-être? Bon, une question très intéressante. On a parlé un peu tantôt des maladies mentales, Daniel. Quelle est la différence entre l'imagination et les hallucinations? Alors, la différence est simplement dans l'importance attachée à l'imagination. Une hallucination n'est qu'une perception extérieure ou intérieure, mais elle n'est qu'une perception. Alors, l'importance qu'on attache à la perception crée automatiquement une forme astrale très, très importante qui va laisser une trace assez profonde à l'intérieur même de la mémoire de l'homme. Alors, si toi, tu vois, par exemple, arriver devant toi une chose catastrophique, un accident, par exemple, où tu vois une personne se faire écrabouiller, ça va laisser une trace très profonde à l'intérieur de toi. L'hallucination, elle, est de par définition la vision ou encore la perception d'une chose qui n'est pas perçue par la masse ou par l'extérieur. Ça, c'est une hallucination. Autrement dit, si tu vois arriver une soucoupe volante et que tu y crois, tu attaches de l'importance assez, tu attaches assez d'importance à cette perception-là pour l'appeler vérité. Alors, tu vois réellement arriver une soucoupe volante et que la masse autour de toi ne la voit pas, tu es donc sujet à une hallucination. Si tout le monde la voit et que les appareils matériels de l'homme peuvent la voir, donc les caméras, etc., tu as la même perception, tu as le même phénomène dangereux pour toi, c'est-à-dire que tu as une incrustation dans ta mémoire de l'événement, et là, automatiquement, on dit que tu n'es pas sujet à une hallucination. Mais la perception que tu as donne le même phénomène. Que tu vois quelque chose que tout le monde voit et que les appareils peuvent enregistrer, ou que tu le perçoives de par ta propre psychologie ou encore par la déformation biologique suite à des drogues ou à un coup, un traumatisme, une déformation biologique de tes récepteurs, ne change rien au phénomène même de la perception. L'hallucination peut être causée par un attachement inconsidéré à un retour mémoriel. Donc, tu peux revoir un événement que tu as déjà vécu ou un événement simplement qui est né de l'imagination même de ta psychologie astrale et tu vas lui attacher une importance démesurée. Automatiquement, tu es non seulement sujet à une hallucination par rapport à la masse, mais tu es manipulé d'une façon totale par par ton astral. Si tu as une perception, par exemple, d'une auto, et suite à un traumatisme causé par des médicaments, par des drogues ou par un coup, tu vois des ailes à cette auto-là. Tu vois l'auto voler. Tu vois tes yeux tomber, comme ça arrive de temps en temps avec certaines drogues, comme l'héroïne et le LSD. Alors, tu vas voir tes yeux tomber. Alors, évidemment, on peut, tout de suite, en parlant de cette vision-là, la personne ne peut biologiquement voir ses yeux tomber. Si ses yeux tombent, elle ne voit plus, elle n'a plus d'œil. La personne voit ses yeux tomber et pour vérifier, il va mettre ses deux mains dans ses orbites et il va crever ses yeux. Alors, ça c'est déjà vu assez souvent. Alors, ce qui fait que l'hallucination même est une attache très importante, démesurée à un retour mémoriel, qui peut être aussi transformé par l'imagination. Et de cette façon-là, l'homme n'est plus du tout en contact avec un phénomène plus ou moins réel à ce que l'humain appelle la réalité. Et l'homme n'est plus opérationnel dans cette réalité-là. L'homme est sujet à une hallucination simplement parce que l'homme attache une importance inconsidérée à ce qu'il vit, même si ce qu'il vit vient de sa mémoire. Une hallucination créée comme un mirage, des hallucinations qui sont collectives. Alors, c'est simplement un mécanisme de télépathie qui va lier l'homme parce que la chose qui apparaît devant la collectivité est une chose qui amène de par le processus de l'astral collectif tous les individus qui observent ce phénomène-là à la même conclusion. Conclusion psychologique, une conclusion émotive. Même manipulation. C'est la même manipulation, sauf que, par exemple, si tu vois une soucoupe volante, tout le monde va tout de suite penser à des extraterrestres parce que leur mémoire collective est égal, c'est-à-dire que tout le monde a entendu parler plus ou moins des extraterrestres et la grande majorité de la masse qui va par exemple assister à une apparition d'OVNI va avoir peur. Par contre, certains individus vont voir de par leur attachement à leur perception, donc de par les valeurs d'importance attachées à leur perception. Les individus vont la voir rose, d'autres vont entendre des chants, d'autres vont la voir tourner sur elle-même, d'autres vont en voir plus qu'une, d'autres vont voir des petits êtres dans les fenêtres. Alors, ce qui fait que, veut pas, l'hallucination de masse va quand même être légèrement individualisée par chaque individu, parce que malgré que l'astral collectif est très puissant, quand une masse est réunie, l'astral individuel quand même a son mot à dire. Alors, l'hallucination est différente de l'imagination simplement de par l'attache que l'homme porte à cette imagination-là. Moi, j'imagine un avion ou un train qui me fonce dessus parce que c'est juste plaisant de l'imaginer. C'est amusant. Et un autre individu va imaginer la même chose, sauf que l'individu ne pourra pas discerner l'imagination de la réalité. L'individu va y attacher une importance extraordinaire et l'individu va réellement voir le train foncer sur lui. De ce fait, l'individu va réagir en fonction d'une réalité, avec toutes les sécrétions endocrines et toutes les réactions d'alerte du corps physique. Et panique, et il peut même... d'un individu en crise, c'est ça. Malgré que pour l'extérieur, il n'y a pas de train qui fonce sur personne, donc c'est une hallucination. Mais l'imagination est une hallucination auquel on n'attache pas trop d'importance. À plusieurs reprises, Daniel t'a mentionné des drogues, des traumatismes, des maladies mentales. Comment se peut-il qu'à ce point, des matières physiques, denses, dites matérielles, puissent influencer l'astral de l'homme à ce point? Ils n'influencent pas l'astral, ils influencent simplement le véhicule qui permet justement à l'astral d'arriver à l'extérieur. Ils influencent le cerveau. Et le cerveau est influencé, bien évidemment, 5 et 5 ne font plus 10, 5 et 5 font 27, et c'est mémorisé comme ça. Étant mémorisé comme ça, bien évidemment, quand ça revient, si le cerveau est guéri, bien on a toujours 5 et 5 font 27. Alors, ce qui fait qu'une personne qui est sous l'effet de narcotiques ou de traumatisme n'a pas un cerveau apte, adéquat à capter, comme la masse, les phénomènes de perception de la réalité. Alors, ce qui fait que c'est mémorisé d'une façon... c'est mémorisé comme c'est interprété. Et comme c'est interprété encore plus déformé, ben c'est mémorisé d'une façon extraordinairement déformée. Alors, c'est donc très, très important de faire attention à notre cerveau pour la simple raison que c'est l'entité qui nous permet d'être en contact avec notre mémoire et avec nos perceptions astrales, les perceptions sensorielles du corps. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut parler d'accident? C'est-à-dire que... même ces choses-là, est-ce que ça peut faire partie de l'expérience de l'homme que de voir son véhicule endommagé et laissé dans une condition non fonctionnelle, irréparable pour la continuation de sa vie? Évidemment. Évidemment, mais sauf que l'expérience même de l'individu n'est pas nécessairement importante dans le plan d'évolution même de la masse, dans le plan d'évolution de la planète Terre. Alors, ce qui fait que quand le véhicule humain est endommagé, il y a une expérience, évidemment, qui est imprimée au niveau de l'astral. Et cette expérience-là peut servir à différents autres individus qui vont avoir accès à ces mémoires astrales-là. Et de toute façon, cette expérience-là est très, très, très utile pour la génétique qui va suivre. Alors, ce qui fait que nous savons, nous, de par l'expérience d'autrui, que les drogues sont néfastes. Et l'individu même, c'est-à-dire que l'astral limité, l'astral individuel même, qui vit cette expérience-là et qui le mémorise, le lègue de toute façon à l'astral de la planète. Alors, ce qui fait que n'importe quelle expérience qui nous paraisse peut-être, de par notre considération humaine, terrible, une personne qui devient complètement légume suite à une absorption massive de drogue, dans le plan d'évolution de la planète, c'est un grain de sable dans le désert. C'est minime. Énormément. Mais ça laisse place à la possibilité que s'incruste une barre psychologique énorme, c'est-à-dire la réalité, la possibilité que les pertes humaines existent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ta vie ne serve qu'à la mémoire de la Terre ou que, bref, que tu n'es pas grand-chose au point de vue individuel ou humain. Alors, tu veux dire par là qu'à un moment donné, à force d'en apprendre trop, si l'homme n'est pas prêt, l'homme finit par prendre panique et l'homme finit par se demander qu'est-ce qu'il fait là. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est ce que ça donnait comme expression. De toute façon, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne parle pas. Est-ce qu'on pourrait en parler et faire une cassette là-dessus? On peut faire une entrevue à un moment donné là-dessus, oui. Bon, fait qu'on va pouvoir faire ça une autre fois. les pertes humaines. Mm-hmm. Les pertes humaines. Alors, si on regarde seulement l'imagination de l'homme, alors si on regarde la perte d'un être, alors, automatiquement l'imagination, la mémoire refait surface avec tous les schémas de l'individu que l'on vient de perdre. Et refaisant surface, tout ça est donné à l'imagination. L'imagination va automatiquement recréer des conditions nouvelles de vie de la personne qu'on vient de perdre. On aurait pu faire ça, on aurait pu, etc. Et ça va être comparé avec le concept même qui lutte contre la mort, parce que l'homme, de toute façon, a peur de la mort. Parce que l'homme a peur, simplement parce que l'homme ne sait pas ce qu'il y a à la mort et ce qu'il y a après la mort. Et automatiquement, l'imagination vient encore prendre le dessus. Et malgré la perte de n'importe quel genre d'individu, l'imagination vient grossir ça parce que l'astral se refuse à croire à la mort malgré que ses perceptions lui indiquent qu'il y a eu mort. Et de toute façon, l'astral elle-même, la psychologie de l'homme sait, et c'est un de ses grands traumatismes, qu'un jour ou l'autre, de toute façon, elle va disparaître. Disparaître parce qu'il va y avoir la perte de son véhicule terrestre et disparaître un jour parce qu'il va y avoir prédominance du véhicule mental. Alors, l'imagination est très, très importante dans le schéma d'évolution de l'homme. Premièrement, elle est très importante parce qu'elle est un frein. Elle est très, très, très importante parce qu'elle est un immense tremplin quand on sait en découvrir l'utilité pour pouvoir justement s'en aller vers une libération inconditionnelle des forces astrales. Cette imagination, donc, est à entretenir. Oui. Mais il faut pas qu'elle s'entretienne d'elle-même. Exactement, oui. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit la psychologie astrale qui vient d'entretenir l'imagination, il va falloir simplement que le contrôle soit pris en main par la capacité intellectuelle, par la possibilité mentale de l'être humain. Et le mental va s'auto-développer de plus en plus. La capacité mentale de l'homme ressemble à un muscle. Et plus on se sert de son mental, plus le mental devient efficace. Alors, c'est très important. De toute façon, les parties mentales de l'homme savent déjà comment prendre dessus sur la partie astrale. L'intellect de l'homme est capable d'inventer des machines, des ordinateurs, entre autres, qui sont une réplique à peu près parfaite de l'intellect de l'homme. Bon, évidemment, ils sont beaucoup moins perfectionnés. Dans l'ordinateur, il n'y a pas de psychologie. Il n'y a de la psychologie que dans l'utilisateur. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, l'ordinateur, donc la partie mentale de l'homme, va être capable de se servir des mémoires de l'astral d'une façon logique, d'une façon constructive. Et l'imagination qui va, comme tout à l'heure je disais, qui va naître de cette utilisation-là, va devenir un canal pour permettre à l'énergie créatrice de venir établir, de venir concrétiser le plan de l'évolution de l'homme dans la matière. C'est très important. Pour la simple raison que l'homme, présentement, s'est créé des outils pour pouvoir développer son astral et pour pouvoir développer son intellect, donc pour pouvoir développer son mental. Maintenant, l'homme a besoin de d'autres outils pour pouvoir continuer son cheminement. Dans quelques années, la forme supramentale de l'homme va devoir prendre matière sur la Terre. Et la créativité de l'homme, passant par un canal bâti par l'intellect, bâti par le contrôle de l'imagination d'une façon intellectuelle, va permettre justement à ces énergies supramentales de pouvoir venir se concrétiser dans la matière, de façon à devenir de nouveaux outils qui vont eux aussi servir de tremplin. Et dans le temps, ces outils-là vont prendre des formes de plus en plus subtiles, non pas nécessairement toujours matérielles. Ah, c'est les formes qu'on connaît déjà, sauf qu'ils vont être adaptés à une psychologie nouvelle. On a par exemple l'harmonie des couleurs. On a l'esthétique qui est extraordinairement important. Sauf que tout va changer en termes de forme matérielle. À un moment donné, je vais parler, justement, je vais donner une série de conférences sur l'éducation dans le nouvel âge. On a des éléments absolument nouveaux qui vont être créés pour pouvoir permettre à l'individu d'apprendre et d'enseigner. Et par exemple, au niveau des formes de construction, au niveau des formes d'habillement, tout au complet va changer parce que la psychologie astrale de l'homme va devenir une psychologie de plus en plus intelligente. Mais la forme va demeurer. La forme va demeurer encore longtemps, oui. parce qu'elle est encore utile. On bannit trop souvent les formes matérielles comme étant des choses nuisibles. Elles ne sont pas nuisibles. C'est nous simplement qui interprétons mal leur utilité, qui les calcule donc nuisibles. On parle de l'astral comme étant un ennemi absolument atroce et incroyable qu'on doit détruire, qu'on doit balayer. L'astral n'est un ennemi tant qu'il est un ennemi. Et ce n'est pas un jeu de mots. L'astral, la psychologie de l'homme, son émotivité, est extraordinairement utile pour l'homme et elle a été utile.